Anonyme citoyen, phénoménum Shanabi, Hansi, Hansi, écoute ça. MC, écrivain dans l'âme, te charme à la rame. T'emmènes de la mer des Caraïbes jusqu'à Paname. Ambianceur, résus lover, raga exécuteur. Le temps que tu tournes sont déjà tombées toutes tes sœurs. MC, vénère, doué, versatile, verse sa verve utile. L'indifférence mutile, où sont passés les frères d'aussi. J'ai leurs médicaments, antidotes, leurs potions magiques. Je connais un mage qui cogite, agite et dynamite les préjugés, et réveille les consciences et anime les âmes perdues par sa simple présence. Un flot de vie et de pensée, de réflexion, même sans papier. Les mains en l'air, il est armé et son freestyle dure une année. C'est dur, je sais. Il est hors catégorie, manie magnifiquement autant la métaphore que l'allégorie. Ce mec est fort, et sort c'est sûr de l'ordinaire. Sort dehors sans armure avec le son dans les artères. Erre dans les méandres de l'âme humaine, entre la spiritualité des cieux et la réalité de cette terre. Serre l'écoute, fais le lien entre ceux qui sont restés debout et ceux qui sont tombés par terre. Anonyme appelle au vote, citoyen appelle tes potes. Est-ce que ce monde est sérieux ou bien faut-il qu'on le shot? Pas de type on chie tes passages, à quoi tu songes quand vient le message? Ton manque de réflexion brise la voix, cause des dommages. Imagine un peu ce que le monde serait sans agitateur, un microphone sans prestidigitateur, il en est un. Le hip-hop c'est toi, c'est lui, c'est nous. C'est elle avec le rythme qui fait bouger tous ses dessous. Un phénomène au mic, les Larsen sont en danger, danger. Danger. Un citoyen te braque, le system est en danger, danger. Danger. Même si je te vois un, ne te cache pas. Tu paieras cash, je dis aussi, tu n'échapperas pas. Même si je te vois un, ne te cache pas. Tu paieras cash, je dis aussi, tu n'échapperas pas. Pour rendre hommage aux frères, une strophe ne suffit pas. Donc je reprends la plume tant que le loup n'y est pas. Dans la bergerie, les moutons cherchent leur pasteur. Un armoricain de Guadada, aussi le ricain, créole prêcheur. Priez pour nous, pauvres pêcheurs, attendant la miséricorde s'accorde comme une guitare. Tous les corps qui meurent avec des morceaux de bois. Le feu apporte sa chaleur, rien à dire, le scout killer, c'est MacGyver. Hardcore réalité. Ou doux rêves oubliés, plusieurs faces, c'est fou ce que nos cœurs peuvent être cachotiers. En trois verres de haïku, il t'a déjà démasqué. À quoi bon qu'on fait le tort s'il n'y a pas de honte à pleurer? Il n'y a pas d'adieu pour ceux qui croient en l'éternité. Pas de chaîne tant que l'esprit arrive à s'évader. Pas de chienne, c'est nos sœurs que tu risques d'insulter. Pas de ghetto dans son cerveau, ses idéaux sont aérés. Représentant une certaine authenticité, le sens du devoir s'impose comme une nécessité. Libre, libre, car responsable. Ça je m'ai pas dupe, pas plus d'un tour dans son cartable. Plus de compteurs, les DJ ont des frais. Plus d'instru sur le beat, il a battu le record de l'heure. Mes sœurs en tombent sur leur propre teint. Ça bande sur le tapin, l'endog en sort de l'ombre et t'officiole dans le bottin. Saint hip-hop, priez pour nous, que la route soit encore longue. Les textes réfléchis qui tombent comme des bombes. Le rap, c'est notre front de toutes parts. Fuse les ondes à travers le monde, le phénomène s'étend et gronde. Ne crois pas en une fin, ici, il n'y en a pas. Hey, hey, et ça repart, mon gars. Ce n'est qu'une étape sur un chemin en construction. Son tracé s'efface, mais reste l'addiction. Trois ans qu'il nous a formés, tel des padawan. L'art de la pro en main, MC Jackie Chan. Un phénomène au mic, les Larsen sont en danger, danger. Danger. Un citoyen te braque, le system est en danger, danger. Danger. MC je te vois un, ne te cache pas. Tu paieras cash, je dis aussi, tu n'échapperas pas. MC je te vois un, ne te cache pas. Tu paieras cash, je dis aussi, tu n'échapperas pas. Dédicace. Dédicace. Dédicace. Dédicace. L'ouragan des Antilles se casse.